Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Allez, elle nous attend avec son long cou. C'est la girafe, mais pas n'importe laquelle, la girafe de Charles X, car les animaux aussi ont leur histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Dans les années 1820, un animal est offert par Mehmet Ali, le pacha d'Égypte, au roi de France, Charles X. Il s'agit d'une girafe. Débarquée à Marseille, son voyage jusqu'à Paris fut une attraction. Et encore ensuite, au Jardin des Plantes pendant 18 ans. Il y a quelques années, dans la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin diffusait un documentaire d'Olivier Chomel, réalisé par Doria Zénine, « Le voyage de la girafe de Charles X », un voyage au long cours, un voyage au long cou. Un nom ? Ouais. Ouais. Alors ? Ça, c'est Adèche. Girafe Adèche. Femelle, Buffon, ah, belle. Camelopardalis girafa, Cervus camelopardalis du Darfour, donné par Sa Majesté le Pacha d'Égypte, a vécu 17 ans et demi à la ménagerie. Gaïa. Khartoum, Paris, avec la girafe. Olivier Chomel, Doria Zénine. C'est une belle histoire. C'est une histoire un peu fantasmagorique aussi. Parce qu'on se demande pourquoi une girafe... Bon, on n'en avait pas vu en Europe depuis des siècles. La première girafe avait été offerte à Laurent de Médicis. Au 15e siècle. Au 15e siècle. Et on n'en avait plus vu depuis. Donc, en quelque sorte, le choix d'envoyer une girafe à la France n'est pas neutre. Bien sûr, on le sait. Et ça déclenche une sorte d'hystérie. La nature nous intéresse parce qu'elle est facétieuse et nous confronte, souvent par surprise, à des animaux aussi fantastiques que réels. L'élan est une bête formidable et ridicule. Le rhinocéros, qu'il soit glabre ou à poils laineux, fait rire lorsqu'il broute, beaucoup moins quand il charge. L'okapi, qu'aucun homme occidental n'avait vu avant le début du XXe siècle, est une des dernières bêtes fabuleuses que les systématiciens aient eu à ranger dans leur nomenclature. Notre girafe est apparentée à l'okapi. Au début du XIXe siècle, elle était exactement aussi étrange que son cousin l'okapi le fut plus tard. Une girafe mâle atteint presque 6 mètres de haut. Si vous habitez au deuxième étage et que vous en voyez passer une dans la rue, vous pouvez lui tendre un peu de salade ou un trognon de pomme par la fenêtre. Attention à vos doigts. La girafe qui nous occupe ne s'appelle pas Sophie comme ses congénères en caoutchouc, mais Zarafa. Elle ne fait pas pouette quand on appuie dessus. Elle est très silencieuse, quoique retentissante du point de vue de l'histoire, mais elle n'est pas muette. Son cri ressemble un peu à celui du kangourou. Il semblerait qu'on puisse entendre dans le mot arabe Zarafa, qui est l'origine étymologique de notre girafe, des nuances d'amabilité, d'élégance, de grâce. En voir une de près confirme largement ses sentiments. Au-delà du gigantisme et de l'étrangeté de sa morphologie, la girafe peut paraître d'une beauté parfaite. La girafe possède à la fois la taille du chameau, la tête du cerf, la peau d'une panthère, les sabots d'une vache et la queue d'un oiseau. Oui, la queue d'un oiseau. Zarafa la girafe, entrée dans Paris par le pont d'Austerlitz à l'issue d'un périple incroyable, fut hébergée 18 années au Jardin des Plantes. Elle avait été offerte au roi Charles X par Mehmet Ali, despote ottoman d'origine albanaise, artisan de l'émancipation de l'Égypte. À sa mort en 1845, elle fut naturalisée par un maître taxidermiste et elle est aujourd'hui visible, saisissante de réalisme, au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle, dont elle est une des pièces maîtresses. La voilà donc. Zarafa. Il paraît que vous êtes amoureux de la girafe, Olivier Lebleu. Ouais, c'est une drôle de rencontre. Hein. Et d'ailleurs, j'ai un cou un peu long, on m'a souvent dit que j'avais une tête un peu de... un cou de girafe. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, mais je fais 1m87, elle en fait 3m57. Je ne sais pas s'il y a d'autres points communs, mais en tout cas, elle m'a en effet toujours fasciné. Et surtout quand je suis venu ici à La Rochelle, il y a quelques années déjà, et je me suis rendu compte que c'était quand même un animal prestigieux dont la majorité des Rochelais n'avaient pas vraiment conscience de l'existence. Et sur un plan, je dirais, plus national, son souvenir était un petit peu perdu, quoi. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à réparer, il y a une histoire à remémorer. Vous vous rappelez comment vous l'avez rencontré ? Oui, en fait, la première fois, c'était sur un article de journal. C'était en juillet 98 exactement. Si je peux le citer, c'était dans Le Monde. Et il y avait un article sur Zarafa. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'on nous disait que malheureusement, donc elle était morte en 1845 de sa belle mort, mais qu'on l'avait perdue en 1944 au moment du débarquement, dans le bombardement du muséum de Caen. Donc moi, j'étais resté sur cette idée que non seulement ben, on avait perdu plus ou moins le souvenir, mais en plus, on n'avait même plus la dépouille naturalisée, qui n'existait plus. Bon. Et puis sur ces entrefaits, quelques années plus tard plutôt, je m'installe ici à La Rochelle et je tombe en arrêt devant cette sublime girafe qu'on croirait juste figée, mais qui pourrait repartir d'un pas allègre. Et je vois la girafe du roi Charles X. Et là, je me dis, bah, y a quand même un loukoum, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et j'ai arrêté quelqu'un qui passait à ce moment-là dans les couloirs du muséum de La Rochelle et qui se trouve être la directrice de la bibliothèque du muséum, et qui lui dit non. Au terme d'une très longue enquête, on a prouvé que c'est bien la girafe Zarafa qui est la première girafe de France, la girafe du roi Charles X. Donc là, je me suis dit, pour qu'on puisse se tromper dans un journal aussi officiel que Le Monde, ça vaut le coup de rectifier l'erreur. Cette girafe, qui fut la première à fouler le sol parisien, et qui excita à ce point la curiosité des Français, qu'elle connut à l'époque une véritable célébrité. L'histoire est longue, l'histoire est très riche, c'est très au-delà d'une simple anecdote d'un animal qui arrive en France. C'est connecté à différentes, je dirais, thématiques. Pour faire court et pour commencer, c'est lié à la fois à un contexte de géopolitique, c'est lié à un contexte de politique intérieure française, c'est lié aussi à un contexte de débats scientifico-religieux. Et enfin, c'est un exemple de, peut-être le premier en France en tout cas, de merchandising animalier, on dirait. Ça devient un animal star, un animal phare, dans tous les sens du terme, mais un animal culte, et dont on reproduit l'effigie sur toutes sortes de supports, donc une juteuse affaire pour tous les commerçants et les artisans et les artistes. La girafe est un des plus grands animaux que l'on connaisse. Sa douceur n'est pas moins remarquable que sa forme et sa taille gigantesque. On n'avait jamais vu de girafe vivante en France. Aussi Buffon, qui n'a fait sa description que sur les rapports des voyageurs, a émis beaucoup d'erreurs. La girafe que nous possédons, et qui excite l'étonnement et l'admiration de tous ceux qui la voient, a été prise dans les environs de Sennaar, en Afrique, par les troupes du Pacha d'Égypte. Elle fut trouvée avec une autre. On tua la mère pour s'emparer de ses petits. La dépouille de celle-ci fut portée au Caire par 4 chameaux. Notre girafe fut prise à l'âge de 2 mois et conduite avec sa compagne jusqu'au Caire. Ce trajet a été fait, partie en marchant de caravane en caravane, l'autre partie en descendant le Nil dans une barque construite exprès. Arrivée au Caire, les 2 girafes furent emmenées au Pacha, qui les offrit, en présent, au roi de France et au roi d'Angleterre. Malheureusement, si l'une était fort belle, l'autre était malingre. Si bien que pour ne mécontenter personne, il fut décidé que l'on s'en remettrait au sort pour leur attribution. Et, une fois n'est pas coutume, ce fut la France qui l'emporta. Le début de l'histoire doit se jouer aux alentours de 1824 et dans le désert du Kordofan, qui est aujourd'hui le Soudan. Olivier Le Bleu. Des chasseurs arabes ont dû se saisir d'un girafeau. Il fallait le prendre sous la mer, non sevré. Donc, elle doit être raptée quand elle a deux mois et demi. Et puis après commence un périple absolument hallucinant. Ça commence au sud de Khartoum. Voilà, au sud de Khartoum. Alors tout de suite, je suis obligé de rajouter un détail important pour la suite de l'histoire, c'est qu'elles ne sont pas une, elles sont deux en fait. Il n'y a pas qu'une girafe, il y a deux girafes au départ. Et j'en parle à ce moment-là parce que l'une des deux girafes sans doute va être blessée par un des liens qui la tenait attachée à d'autres chameaux et qui va lui blesser les membres. Ça aura une importance pour la suite, on le verra. Ces braves girafeaux finissent par arriver dans un premier temps au Caire, où elles sont présentées au pacha d'Égypte, Mehmet Ali, qui a l'idée soufflée sans doute par le consul de France de l'époque, Bernardino Drovetti, d'offrir ces girafeaux aux puissances européennes. Et comme il est question d'en offrir à la fois une à la France et à l'Angleterre, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour vexer personne? On va faire un tirage au sort. Et semble-t-il, je me méfie un petit peu de Drovetti, qui était un sacré filou, peut-être qu'il a influencé le sort, mais bon, n'essayons pas de jeter une polémique là où il n'y en a pas forcément, mais en tout cas, le sort nous est favorable à nous, la France, puisque nous héritons de la girafe la plus robuste, et le fait est qu'elle va vivre pendant presque 21 ans, c'est-à-dire en tout cas 18 ans sur le sol français, alors que la girafe anglaise décédera au bout de 2 ans. Après une traversée sans histoire, au cours de laquelle, nous apprend le livre de bord, seule une vache se trouva quelque peu incommodée, le navire jeta l'ancre dans la rade de Marseille le 26 octobre 1826. Préfecture des Bouches-du-Rhône, secrétariat général, Marseille, le 28 octobre 1826. Messieurs les intendants de la santé publique à Marseille, je suis informé par monsieur l'agent des affaires étrangères que sur le brigantin Les Deux Frères, capitaine Manara, il a été embarqué en Égypte pour la ménagerie du roi une girafe, 3 vaches qui fournissent le lait pour sa nourriture et 2 antilopes mâles et femelles. Ce brigantin se trouvant actuellement en quarantaine, je dois vous recommander de donner des ordres pour que ces animaux reçoivent tous les soins nécessaires et que la girafe surtout soit placée dans un logement d'une température convenable. Si les vaches ne donnaient plus assez de lait, il faudrait veiller à ce que l'on complétât la quantité de 20 à 25 litres par jour en s'en procurant ailleurs. La continuation de l'usage du lait est indispensable. On s'exposerait à la perdre s'il n'y était pourvu. Dans le cas où le moindre accident surviendrait à ces animaux, je vous prie de me le faire connaître. Bon, vous savez, voir une girafe de près, moi... Marie-Claude Baumsel. C'est impressionnant. C'est sincèrement très impressionnant. Vétérinaire et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Ça nous reste absolument fabuleux. On les a presque un petit peu popularisés parce qu'on les voit dans la savane de loin. Elles sont dégingandées avec leur grand cou et leur derrière un peu rabaissée, un peu ridicule. Mais elles ont perdu l'aspect chaotique, je trouve, parce qu'elles se sont intégrées dans la savane. Faut imaginer, pour les gens qui n'avaient jamais vu ce qu'était la savane, qui voyaient arriver un animal comme ça, qui marchait au milieu d'eux, bon, qui était plus grand qu'eux, rien qu'au niveau du tronc, ils pouvaient presque passer dessous et tout. Et la tête, je ne sais pas si vous avez déjà vu à Vincennes, quand elle descend de la tête avec les grands yeux et tout, c'est très très impressionnant. Vous avez l'impression de n'être absolument plus rien de rien de rien. Et on peut imaginer à cette époque, ça devait être extraordinaire. Moi je me disais, Marie-Claude Baumsel, que finalement si on avait fait débarquer à Marseille, non pas une girafe mais une licorne, ou un cheval ailé, ou un stégosaure, ça aurait fait un peu le même effet, non ? C'était absolument le même effet. Bon, on sait qu'on pensait que c'était un chameau, enfin ça c'était à l'époque de César, c'était le mélange d'un chameau et d'un léopard, c'était déjà intriguant. C'est vrai que ça reste vraiment fort étonnant. C'est un camélidé, la girafe. C'est un camélidé, absolument. Non, c'est un girafidé, pardon. Un girafidé qui est cousine de l'okapi. Il y a l'okapi et la girafe, ce sont les deux. Les camélidés, c'est les lamas, effectivement, qui ont un peu la même tête, et les chameaux. Mais elle, c'est un girafidé. Je pensais que c'était rangé un petit peu. Non. Dieu sait que nous sommes tout le temps en train de tout bouger en systématique, mais là, elle est restée girafidée. Alors, il faut tout de suite parler d'un contexte très important, puisqu'il y a un contexte de politique internationale qui va générer l'idée de ce cadeau. À l'époque, il faut se souvenir que l'Empire ottoman englobe l'Égypte. L'Égypte n'est qu'un vassal de la Turquie, de l'Empire ottoman. Mmh. Et depuis 1824, à peu près l'époque du rapt des deux girafaux, l'Égypte se lance dans l'étouffement d'une tentative d'indépendance grecque. Et c'était assez violent, hein. C'est étouffé dans le sang, c'est une guerre. Olivier Le Bleu. Et les puissances européennes de l'époque vont prendre fait et cause pour la jeune Grèce. Pour une fois, je dirais, ça fait bien longtemps, l'Angleterre et la France sont d'accord sur une cause commune. C'est pas souvent. Et donc, ce cadeau, ou ces cadeaux, arrivent à point nommé pour le pacha d'Égypte, pour essayer, si vous voulez, à la fois de se récupérer les bonnes grâces des puissances européennes, sans pour autant dire au chef ottoman « je ne suis plus d'accord avec vous et je fais sécession ». Non, c'est plus subtil que ça. Il a dans l'idée de devenir le seul chef dans son territoire qui est l'Égypte. Et donc, la livraison des girafes, en fait, est un acte purement diplomatique pour le pacha d'Égypte. C'est un acte tout à fait diplomatique et c'est évidemment pas présenté comme ça, mais ça n'échappe pas du tout à la presse, en particulier française, qui dira « Grâce soit rendue au pacha d'Égypte, il nous envoie des girafes au lieu des oreilles salées des Grecs ». Alors pourquoi cette histoire d'oreilles ? Parce qu'on racontait que les Ottomans, les Turcs, coupaient les oreilles des Grecs et que salé, il les servait en apéritif. Mmh. Voilà. Ça vous donne une idée du contexte. Là-dessus, on peut se dire, alors si tout le monde est conscient du cadeau, pourquoi on l'accepte ? Ben parce qu'il y a d'autres intérêts en jeu. À l'époque, en France, il y a un roi qui s'appelle Charles X, qui est monté en trône en 1824, qui est un roi déjà âgé, puisqu'il a 69 ans, et qui va se montrer tout de suite très peu aimé du peuple. Et Charles X, c'est un véritable aristocrate. C'est un véritable très aristocrate. Bigot. Oui, alors il cumule. Hein. Il est réactionnaire, il est cléricaliste, hein. En effet tout à fait bigot. Et lui, il voit là, dans cette histoire de girafe, l'opportunité éventuellement de redorer son blason, d'offrir ce cadeau extraordinaire, fascinant, exotique, à la France et au peuple. Mais aussi pour se positionner à l'avant-garde de la science de l'époque. Et l'ironie de la chose, c'est que très vite, on va caricaturer Charles X sous forme de girafe, de façon assez automatique, puisqu'il était grand, et qu'on disait aussi que le roi était colémonté. Donc bon, voilà, ça s'imposait. Une des raisons pour lesquelles je viens vous voir, Fabrice Bernard, aux eaux de Vincennes, c'est d'essayer de transposer le voyage de Geoffroy Saint-Hilaire et de sa girafe de Marseille à Paris. Vous pensez que transporter à pied vos animaux, les girafes du zoo de Vincennes, sur une longue distance, ce serait extrêmement compliqué? Impossible. Impossible. En admettons bien évidemment qu'on est 2 siècles en arrière, qu'il n'y a plus de voiture, plus de circulation, qu'il n'y a pas de soucis de ce genre, donc en écartant ces problèmes-là, par rapport au conditionnement de l'animal, il aurait fallu que dès la naissance, déjà les choses, un espèce de programme d'entraînement ou alors une imprégnation totale soit fait dès la naissance de l'animal pour pouvoir justement faire ce périple. Ça veut dire donc dès la naissance biberonner l'animal, et puis le domestiquer au maximum, hein, ce qu'on ne fait pas du tout ici, c'est pas notre travail de domestiquer les animaux, donc les domestiquer, et puis une fois que l'animal est docile, essayer un petit peu de le transformer comme une vache laitière et puis de l'amener à la longe comme ça. Mais sur des animaux, même les plus jeunes là, qui ont maintenant un an et quelques mois, C'est pas possible, c'est trop tard. Ça, c'est plus du tout possible. On décide de la conserver jusqu'au printemps dans une écurie qui a été bâtie sur mesure, ou plutôt sur démesure, dans la cour, une des cours de l'hôtel de préfecture. Et qui a l'idée de lui faire passer l'hiver à Marseille? Parce qu'il se trouve que c'est vraisemblablement ça qui l'a sauvé. Je pense que... Il y a un bon sens. Il y a un bon sens, il y a sans doute des recommandations, parce qu'il y avait une correspondance, c'est comme ça que ça se faisait, hein, il n'y a pas d'internet, on s'envoie des courriers, et je pense que la décision se fait assez naturellement sur ces recommandations, mais elle doit être prise, et en tout cas mise en place par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui lui-même rend déjà des comptes, à partir du moment où la bête arrive sur le sol français, rend des comptes au professeur du muséum, dans une correspondance assidue, qui est presque, peut-être pas quotidienne, mais au moins hebdomadaire, pendant 6 mois. Et il donnera à chaque fois non seulement des nouvelles, c'est intéressant, non seulement des nouvelles de l'animal, mais aussi un compte rendu très précis des dépenses engagées. Parce que c'est l'État français qui paye pour tout ça. Il y a un aspect administratif et comptable qui n'est pas sans charme dans cette histoire. Il y a un aspect administratif très important, et tout ça génère des archives. Et pour nous, les historiens, c'est du pain béni. Et ça nous permet ça de raconter. Ça compte une fortune aussi. Alors ça compte une fortune, mais quand on arrivera à la fin de l'histoire, vous verrez qu'on va très facilement rentrer dans nos frais. Au muséum, à cette époque-là, Olivier Le Bleu, il y a une brochette assez impressionnante de savants. Cuvier est là, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, Jussieu. Évidemment, ils ne s'entendent pas forcément très bien les uns avec les autres. Mm-hmm. Mais ils font de la science au muséum. Oui, en effet, tous ces scientifiques travaillent tous en même temps et dans des directions différentes. Il faut évidemment retirer ces trois-là du lot, c'est-à-dire Cuvier en opposition avec Lamarck, et au milieu, je dirais, Geoffroy Saint-Hilaire qui va prendre en charge Zarafa, en tout cas sa translation, c'est-à-dire sa remontée de Marseille à Paris, et qui lui est vraiment pour l'évolution des espèces. Il en est convaincu, il le sent, et il en a des témoignages, puisqu'il s'est intéressé aux fossiles, et ça, c'était quand même des débuts de preuves. Et lui, alors il est un peu particulier, Geoffroy Saint-Hilaire, arrêtons-nous sur ce personnage, 30 ans plus tôt, il a fait la campagne d'Égypte. Donc, si vous voulez, il a une sorte de crédibilité par rapport à tout ce qui est un petit peu exotique, et tout ce qui vient, comme on disait à l'époque, de barbarie. Il a cette légitimité puisqu'il a fait partie de la campagne d'Égypte, qu'il a travaillé en tant que scientifique, il était jeune, hein, et il a collecté, comme tous ces scientifiques qui ont accompagné Napoléon, ils ont collecté des spécimens de la faune, de la flore de l'Égypte. C'est extraordinaire ce qu'ils ont constitué. Il a montré non seulement donc une sorte de courage scientifique, mais aussi un courage humain, puisque quand Napoléon s'en va et laisse la place aux Anglais en Égypte, nos pauvres scientifiques, ils se retrouvent tout seuls avec leur collection, et au moment de réembarquer, les Anglais disent « Que nenni, tout ça c'est pour nous, vous pouvez partir, mais nous on garde les caisses ». Et là, Geoffroy Saint-Hilaire a dit « Soit je repars avec mes caisses, soit vous marcherez sur mon cadavre ». Donc il était quand même assez courageux. Bref, ben, 30 ans plus tard, il se retrouve, et ça va être son baroud d'honneur, à s'occuper de Zarafa. Il a juste 30 ans de plus. Il a juste 30 ans de plus, c'est-à-dire 55 ans. Il est perclus de rhumatisme. 55 ans, pour l'époque, c'est un âge avancé. Et le destin inexorable en ses arrêts s'incarna certains jours d'avril 1827 en la personne de Geoffroy Saint-Hilaire qui, tout chargé d'honneur qu'il était, avait tenu à venir lui-même chercher la girafe dont on avait enfin décidé, après mûre réflexion, qu'elle gagnerait Paris à pied. La question que je me pose, entre autres, Marie-Claude Bomsel, c'est pourquoi en 1827, Geoffroy Saint-Hilaire, sachant que la girafe pour le roi attend les beaux jours pour quitter Marseille et remonter à Paris, pourquoi va-t-il la chercher lui-même ? Sachant qu'il a 55 ans, qu'il a une santé un peu altérée, c'est le voyage est risqué pour la girafe, mais pour le grand savant aussi. Moi, je crois que là, il y a eu une discussion de savants, et là, c'était le goût de la curiosité qui l'a toujours animé. C'était un personnage. Il voulait y être en oui, premier. Oui, absolument, absolument. Moi, je peux comprendre. Même moi, qui suis dans ces âges-là, j'irais voir une bête de ce genre. Bon, puis allez, il y avait aussi une forme de notoriété. C'était quand même, un, voir un spécimen fabuleux, deux, une notoriété, trois, un cadeau au roi. Personne n'est innocent sur ça. Vous savez, ce phénomène d'idolâtrie qu'on connaît maintenant pour des choses beaucoup plus futiles existait déjà. Et une curiosité scientifique certaine, évidente. Bon, parce que, à partir du moment où vous avez entendu parler de ça, bon, vous savez, maintenant, on a des jeunes chercheurs au muséum qui poussent des cris devant des petits insectes grands comme ça. Donc, vous imaginez, à cette époque-là, trouver un mammifère de cette qualité. Et qu'est-ce qu'il attendait pour la science, Geoffroy Saint-Hilaire, de cet animal ? J'allais dire, là, je ne suis pas à sa place. Une vérité scientifique, c'est-à-dire qu'on commençait seulement à définir ce qu'étaient les espèces et tout. Donc, un côté très intrigant pour lui que cet animal-là. Et je vous dis, nous rentrons dans le siècle de l'évolution, du darwinisme, de Lamarck, de tout ça. Donc, il était logique qu'il s'interroge. Tout ce qui se passe dans le convoyage, la translation, dit-on, de la girafe, est totalement inattendu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment elle va se comporter, si elle va résister au climat quand même plus frais du sud de la France à Paris que dans son Soudan natal. On ne s'attend pas non plus à la réaction du public. Oui, c'est une véritable expérience scientifique, en fait, et c'est sans doute pour ça que Geoffroy Saint-Hilaire a voulu la faire lui-même, parce qu'il y a des surprises, bien sûr, on ne sait pas. Michel Madonna Desbazeilles. On ne sait pas, comme vous le dites, comment elle va réagir au climat. Alors on lui fabrique un manteau en toile cirée, avec des trous pour ses oreilles, enfin quelque chose qui rendait la girafe vraiment un peu étrange, pour ne pas dire ridicule. Encore plus qu'elle ne l'est en réalité. Ah ben, elle n'est pas ridicule en réalité, mais étrange, oui. Geoffroy Saint-Hilaire est quelquefois débordé par les événements, notamment à Lyon. La foule est considérable. Et l'entreprise est très risquée pour lui, parce qu'il a vraiment intérêt à ce que la girafe parvienne au roi. Ah oui, bien sûr, c'est ce qu'on lit dans Son Altesse la girafe. D'ailleurs, il emporte avec lui une trousse de chirurgien, mais il espère bien ne pas l'utiliser. Et la girafe arrive vivante parce qu'il prend beaucoup de précautions pour elle. Plus pour elle que pour lui-même, car il souffre déjà de rhumatisme. Et c'est une épreuve physique aussi pour Geoffroy de Saint-Hilaire de faire ce voyage à pied. Le convoi qui quitte Marseille, je crois, en mai 1827, hein, Olivier Le Bleu, et doit être vraiment très très singulier. Parce qu'on parle de cette girafe, mais elle n'est pas seule. Elle a une escorte humaine et équestre très importante. Et puis il y a d'autres animaux qui suivent. C'est un peu un cirque que conduit Geoffroy Saint-Hilaire. Bah, la remontée de la girafe, oui, c'est un cirque, si vous voulez. C'est presque une arche de Noé. C'est un cortège, en tout cas, ça, c'est certain. On a d'abord quoi ? On a une estafette de gendarmes. Ensuite, on a le chef de brigade, si vous voulez, toujours à cheval. Ensuite, on a une voiture attelée pour véhiculer les hommes, les dignitaires qui ne veulent pas marcher. Ensuite, nous avons les trois vaches nourricières. Ensuite, nous avons Geoffroy Saint-Hilaire qui marche. Et ensuite seulement Zarafa, tenu par trois palefreniers. Nous avons devant Hassan, qui était le palefrenier en chef égyptien. Nous avons un deuxième palefrenier, Atir, qui faisait partie du voyage. Et nous avons de l'autre côté un certain Chouquet, un brave Marseillais qui était embauché sur place. Voilà. Et derrière encore, nous avons une carriole qui transporte le grain concassé, puisqu'elle commence bien sûr à se sevrer quand même, cette girafe. Le temps passe. Le temps passe. Il y a aussi une sorte d'antilope exotique qui ont fait partie du voyage aussi, et qu'on promène de façon plus simple, parce qu'elles sont dans une cage et qu'on pose la cage sur une chariole. Et puis ensuite, il y a un gendarme toujours à cheval qui ferme le parcours. Donc c'est quand même impressionnant, je veux dire, c'est presque la caravane du Tour de France, quoi. Hein. Et donc, quand ça se promène de village en village, ça fait du bruit, ça fait de l'animation. Donc, Et ça aussi, c'est un problème, je dirais, de logistique qu'il fallait prendre en considération. C'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de la girafe, la foule s'amasse de plus en plus. Et ça, ça fait très peur au grand organisateur en chef, qui est Geoffroy Saint-Hilaire. Alors, il a pris certaines précautions. Par exemple, il a pensé, idée de génie, à faire tailler sur mesure un ciré pour la girafe. Il a demandé à un tailleur de faire en deux pièces de toile gommée un manteau de pluie. Grand bien lui en a pris, puisque quand il démarre le 20 mai 1827, il pleut. Bon, après il avait... Oui, le climat n'est pas très très favorable. C'était pas favorable au départ. Mais donc heureusement, il avait pensé au ciré. Armorier, c'est-à-dire on frappe d'un côté les armes du pacha d'Égypte, de l'autre côté du roi Charles X. Donc elle est blasonnée, si vous voulez. Mais voilà, on en prend soin, mais il y a des aléas. Et surtout, ce phénomène de curiosité qui va en s'amplifiant. Et alors, un incident qui est noté dans une sorte de journal de bord que tient Geoffroy Saint-Hilaire, mais qui n'est autre en fait que sa correspondance avec le préfet resté à Marseille. Et il explique aux abords de Lyon que la girafe, mon Dieu, se fiche un clou dans le sabot. Et là, c'est très remarquable de lire cette lettre, parce qu'on sent bien qu'il fait des efforts désespérés pour passer cet incident un peu en douce, si vous voulez. Il en parle et en même temps, il dit tout de suite, mais on lui a retiré aussitôt, il n'y a pas eu d'infection et tout va bien. Mais la peur qu'il a dû avoir, parce que... Si près du but, la responsabilité énorme de perdre le cadeau royal, quoi. Chaque soir se posaient de nouveaux problèmes pour l'hébergement de la girafe. Il fallait soit trouver des locaux convenables, soit en faire préparer, au besoin, au prix d'une démolition, pour élever le toit d'une étable. Pour que les animaux transportés sur la charrette puissent confortablement passer la nuit, on les sortait chaque soir de leur cage pour les y remettre chaque matin, ce qui exigeait du temps, de la force et de grandes précautions. À chacune de nos arrivées dans des villes de quelque importance, il était nécessaire de défendre la girafe des méfaits d'une indiscrète curiosité. J'ai dû m'opposer à des foules qui se précipitaient dans le plus grand tumulte vers l'animal. Tout ceci était à recommencer chaque jour. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Moi, j'ai l'impression que le transport de la girafe de 1824 à 1827 a un côté miraculeux. Parce que à cette époque, on ne sait à peu près rien de ces animaux. Mmh. Et le trajet est très très long, du sud de Khartoum jusqu'au Caire ou Alexandrie, il n'y a pas loin de 3000 km. Ouais. Ensuite, il y a un trajet par mer jusqu'à Marseille et un peu plus de 800 km de Paris à Marseille. Et il y a la question du climat aussi dans cette histoire. Voilà, c'est parce ça. C'est que... À l'époque, on ne sait absolument pas quel type de climat la girafe est susceptible de supporter. Bah, en fait, au Soudan, il y a quand même des températures extrêmement froides la nuit. Donc c'est un animal qui est capable de supporter des variations de température qui sont quand même assez importantes. Maintenant... J'imagine que si elle était tombée sur un hiver... Enfin, j'imagine que le transport en France a dû être fait sur la période du printemps, la période... Ils sont partis le 20 mai, en effet. Voilà. Ah, mais dans des conditions assez difficiles. C'était un peu plus froid que la normale saisonnière, disons. Maintenant, si ça avait été pendant l'hiver ou juste à la sortie de l'hiver, je doute que l'animal aurait pu faire ce périple sans problème, parce que là, nous, c'est des animaux qui ont besoin d'être chauffés quand même la nuit. S'ils avaient fait ce transport pendant la période hivernale, enfin s'ils n'avaient pas pris en compte ce paramètre-là, je suis quasiment sûr que ça n'aurait pas été possible, quoi. Elle ne serait pas arrivée à la fin. C'est parce que le moindre stress thermique sur ces espèces-là, ça aboutit tout de suite à des diarrhées ou ce genre de choses. Et la question de l'endurance aussi, on fait faire à l'animal 25 km par jour. Ça m'inquiète pas plus que ça. Ils sont capables du coup de faire des 40-50 km par jour en milieu naturel sans problème. Ça, c'est pas quelque chose qui me... Ça, je pense que c'est gérable, quoi. Ça, c'est pas le souci, quoi. C'était un grand cortège, hein. C'était un grand cortège. Bon, effectivement aussi, bon, nous, on s'est attaché au personnage de Geoffroy Saint-Hilaire, qui était visiblement un peu déjà un vieillard cacochi mais goûteux et qui avait bien des difficultés à suivre et qui semblait monter sur sa... Dans chaque ville, il marchait à pied, il suivait toutes les excavations et après il remontait dans sa charrette pour suivre le pas, car ça marche quand même 5-6 km à l'heure, ça marche l'amble, les girafes, ça marche les deux pieds du même côté toujours, mais ça marche vite. Hein. Et donc il avait visiblement du mal à la suivre. Et à votre avis, elle inspire des sentiments de quelle nature au peuple qui se presse pour la voir, Olivier Le Bleu ? Je pense que la girafomania qui va se développer suite à la présence de Zarafa sur le territoire français n'aurait pas pu avoir lieu avec n'importe quel autre animal. Parce que les particularités de la girafe, c'est qu'elle est à la fois impressionnante, et comme en général on a peur de ce qu'on n'a jamais vu, donc ça crée... Ça se comprend. Ça se comprend. Mais en même temps, il y a quelque chose de très doux, de très pacifique dans son comportement qui rassure aussitôt. Et surtout, elle est belle. Elle est incroyablement belle. Les ouvriers de Lyon, les canuts, ils imprimeront des tissus à la girafe. Parce que c'est beau, cette robe. C'est magnifique. Et puis, elle a ses grands yeux bordés de longs cils noirs recourbés. Très vite, on fera des compliments aux femmes en disant « Vous avez de magnifiques yeux de girafe ». Elle ne fait pas peur, en réalité. Elle fait peur parce qu'elle est surdimensionnée, mais quand on l'approche, on voit qu'elle est très docile, qu'elle est très paisible et que très facilement, elle va baisser la tête pour vous renifler, mais jamais agressivement. Alors si, il y a une chose qui fait peur, très peur. Et ça vaudra quand même quelques évanouissements. C'est quand tout d'un coup, elle se prend d'affection pour vous et qu'elle décide de vous lécher. Parce que là, vous voyez une sorte de chose qui fait 50 cm de long, qui est de couleur noire bleutée, qui est comme un membre, puisqu'on dit que c'est une langue préhensile. Et qu'elle, elle attrape les feuilles avec. Et elle est raboteuse, hein. Elle est rêche. Et ça, certaines personnes penseront voir sortir un serpent de la gueule de Zarafa. Mais ce n'est que sa langue. Mais ça fait peur quand même. Mais voilà, passé ce détail, on se rend compte que c'est un animal extrêmement paisible et qui va devenir de plus en plus docile. Parce que, par exemple, au début, elle ne boit jamais son lait en public. Ça la bloque complètement. Et puis après, elle va s'habituer et elle boira dans la même jatte, la jatte qui doit être impeccable, et elle boira son lait en présence du public. Elle devient de plus en plus sociable. Voilà. À Lyon, on s'empressa de conduire la girafe chez Monsieur le Préfet. Une foule immense était accourue pour la voir. Un chien l'effraya. Elle s'échappa et jeta à son tour l'épouvante parmi les spectateurs. Beaucoup furent renversés, non par notre animal, mais par la multitude elle-même qui se précipitait en désordre de tous côtés. Monsieur Geoffroy Saint-Hilaire, chargé par le gouvernement de surveiller le voyage de la girafe, a rempli sa mission avec un zèle digne des plus grands éloges. Sa santé même en a été altérée. La girafe est arrivée à Paris le 30 juin, à 5h30 du soir. Depuis, la foule s'est empressée tous les jours pour voir ce superbe animal qu'on a logé dans la grande orangerie. Il se trouve que le destinataire de la girafe est le dernier à la voir, en quelque sorte. Oui, bizarrement. Ça se comprend, mais c'est frustrant pour lui. Ça se comprend, mais c'est frustrant. Et elle n'est présentée au roi que le 9 juillet 1827, après s'être reposée dans la grande serre du Jardin des Plantes. Michel Madonna des Bazaines. Pour se refaire une beauté, sans doute. Et lorsque la girafe est présentée au roi, se déclenche l'épisode fabuleux, en quelque sorte, de la mode de la girafe. Hein, 1827, c'est l'année de la girafe. Vous savez qu'on parlait même de la grippe de la girafe. J'ai même vu un piano à la girafe. Donc, c'était vraiment une mode. Même les chignons des dames était monté haut sur la tête comme un cou de girafe pour ressembler, si faire se peut, à la girafe. Et un engouement de cette sorte pour cet animal si doux et plutôt sympathique. On a calculé au droit réuni, à la poste et au pont d'Austerlitz, ce que la girafe a procuré en accroissement de recettes par le mouvement qu'elle a imprimé à la population et par les dépenses extraordinaires de celle-ci en consommation diverse. C'est en juillet 60 000 francs et en août 40 000. Un des aspects les plus délirants de cette aventure, Olivier Le Bleu, c'est l'abondance de produits dérivés, on dirait aujourd'hui, qui sont fabriqués autour de la girafe. Petit catalogue. Allez, on se fait un petit catalogue. Alors, Zarafa, vous allez retrouver son effigie sur de la vaisselle, des statuettes, des porte-cure-dents, des coupes-cigares, des bougeoirs, des boîtes d'allumettes, des tabatières, je respire, des bonbonnières, des fers à repasser, des bassinoires, des médailles, des plaques de cheminée, des almanachs, des bronzes, des pendules, des enseignes, des girouettes, des tapisseries, des peignes, des encriers, des bougeoirs, des presse-papiers, des supports de veilleuse, des jouets, des pains d'épices, des moules à gâteaux. Il y aura une sauce à la girafe, il y aura des jouets avec cou articulé, des décors sur lit, des armoires de mariage, des savons, du papier peint. On a même failli avoir, place de la Bourse, des lampadaires girafes. Mmh. Donc vous imaginez, évidemment, la mode est à la girafe, puisqu'on aura son image sur des chapeaux, sur des ceintures, sur des sacs à main, des bourses de perles, des cannes, des éventails, des mouchoirs, des carnets de balles, des ombrelles. Le chignon se porte à la girafe, c'est-à-dire à la verticale de la tête avec des rubans, des nœuds, des plumes et des fleurs. Et pour les messieurs, vous avez les gilets, les chapeaux, les cravates, les cols hauts, qui sont rebaptisés col girafique. C'est une véritable déferlante. Et je pense que c'est le seul exemple que nous ayons. Et encore une fois... Il y a eu une folie de l'éléphant quelques décennies plus tard. Il y a eu une folie de l'éléphant, mais ça n'atteindra pas les mêmes proportions parce que l'éléphant continuera de faire peur quand même. Parce que c'est un animal massif, massif. Alors que la girafe, elle est assez gracile finalement, assez élancée. On peut imaginer une girafe dans son jardin. On n'imaginera pas un éléphant dans son jardin. Le roi a eu le désir de voir la girafe à Saint-Cloud. Elle est partie le lundi 9 juillet à 5 heures du matin. Pour la première fois, elle a voyagé sans les trois vaches égyptiennes, ses compagnes et ses nourrices. Couronnée d'une guirlande de fleurs, les amulettes de la Mecque appendues à son cou, elle marchait comme en triomphe sous la conduite de ses gardiens et sous la protection d'un détachement de gendarmerie. Plusieurs savants et des personnages de distinction la précédaient et la suivaient à cheval et en équipage. Une foule de curieux, accourus des villages et des campagnes voisines, se pressait sur son passage. Arrivée après 3 heures de marche à la grille du parc, on l'a fait monter sur le plateau du Trocadéro. Le roi et la famille royale n'ont pas tardé à paraître. La girafe, que l'élévation rendait plus gigantesque, a frappé les regards des augustes personnages. Sa majesté a voulu voir l'animal courant. On l'a stimulé et il a fait au trot 3 tours du plateau. Après cet exercice, mademoiselle lui a présenté un bouquet qu'elle a effleuré de sa bouche légère. Le roi lui-même s'est complu à lui faire manger dans le creux de sa main des feuilles de rose dont elle paraît très friande. Les caresses de cet animal, sa douceur, son affabilité, ont vivement touché les princes et toutes les personnes de la cour. Le roi a ordonné en partant que l'on distribuât aux gardiens de la girafe 2000 francs de gratification. Et puis surtout, elle va devenir donc un objet satirique à son tour. On va, et c'est ça qui est très beau, c'est qu'on a voulu la manipuler, mais finalement, son image va servir à dénoncer ce qu'on voulut la récupérer. C'est-à-dire qu'on va dénoncer le roi Charles X, ce roi collémonté, cléricaliste, et que l'on représentera sous forme de girafe, tenue en laisse par un bon gros curé. Voilà. Elle suscite des quantités de complaintes, de chansons. Même Chateaubriand va s'en servir pour écrire une sorte de pamphlet politique. En effet, on va même écrire des chansons. On a même, est-ce que vous voulez un couplet sur l'air de Cadet-Roussel ? Déjà sur vos brillants attraits, la mode a basé ses succès. Sur les foulards, sur les gilets, partout on reproduit vos traits. Et coiffure et robe nouvelle, tout se taille à votre modèle. Ah, ah, ah oui, vraiment. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bon, elle est à la mode, de toute évidence, mais le propre de la mode, c'est de passer aussi. Et là aussi, elle tient longtemps quand même. Hein. Elle tient longtemps, mais comme elle est, si vous voulez, marquée au sceau de Charles X, son attrait va décliner avec le déclin de Charles X, c'est-à-dire 1830, les Trois Glorieuses, l'abdication, et de façon assez logique. Mais on va quand même dire à ce moment-là, voilà, ben le roi, lui, va disparaître, et le roi qui avait fait émigrer cette girafe va émigrer à son tour, après tout, ce n'est que justice. Et elle, on va s'en souvenir quand même, puisqu'elle sera encore là, physiquement présente, jusqu'en 1845. Au Jardin des Plantes à Paris. Au Jardin des Plantes à Paris. Elle aura sa place, comme une petite princesse. Geoffroy Saint-Hilaire parlera de son boudoir de petite maîtresse. Elle sera dans ce lieu historique qui existe toujours, dans le jardin de la ménagerie du muséum, qui est la rotonde. Elle aura à sa disposition une des alvéoles qui aura été aménagée avec un plancher. Alors, elle est seule. Elle n'est pas tout à fait seule, puisque Attir, qui est un des palefreniers, va rester 10 ans à son service. Mais elle n'a pas de congénère. Elle ne connaîtra pas les joies de l'amour, ni de l'enfantement, puisqu'on lui promettait un fiancé italien qui ne viendra jamais, malheureusement. Mais avant de mourir, elle connaîtra une compagne, une autre girafe. Zarafa, Marie-Claude Bomsel, vivait ici dans la rotonde du Jardin des Plantes. Qui est très belle maintenant. Bon, pour elle, ça devait être étonnant. Hein. C'est un très joli bâtiment. Mais la pauvre, elle a vécu seule de nombreuses années. Oui, elle a vécu seule. Elle n'a jamais connu le sexe, par exemple. Non, maintenant, bon. Je ne suis pas si sûre que ça lui manquait. Tout simplement parce que d'abord, seule, oui, la chance ou la malchance, les girafes sont... On les voit en troupeau, mais ce sont des troupeaux très lâches. C'est pas vraiment des animaux sociaux. Ils peuvent très bien vivre seuls. Ils peuvent. Il n'y a pas une hiérarchie. Il n'y a pas de problème majeur pour eux. Ce sont des animaux opportunistes, social opportunistes. C'est pas fondamentalement social. Donc c'était un plus. On eût amené un mâle. Je ne suis pas sûr que ça serait passé si bien, car elles se seraient complètement paniquées. Bon, les femelles ont solution parce que, bon, elles sont saillies, elles peuvent se coucher, mais elles peuvent être brutalisées par un mâle parce qu'elles répondent pas forcément aux attentes du mâle, parce qu'il attend qu'elles se couchent de façon judicieuse, plus ou moins qu'elles se présentent. Les girafes ne se couchent pas, hein, elles se mettent debout et le mâle copule complètement debout. Mais il faut savoir bien se présenter et tout. Je ne crois pas que Zarafa l'aurait fait. Donc, c'est pas aussi simple, c'est vraiment un anthropomorphisme de nous dire, mon Dieu, je ne connaîtrai jamais le sexe et les enfants, je doute fort qu'elle l'ait fait. Ce sont des hypothèses, hein. En l'occurrence, je ne peux pas en parler ni avec elle ni avec Geoffroy Saint-Hilaire, donc c'est une hypothèse. En juin 1830, Balzac signale dans le journal La Silhouette le déclin de la vogue de la girafe. Michel Madonna des Bazeilles. Prétexte pour annoncer l'imminence de la Révolution qui allait renvoyer Charles X en exil définitif. Donc elle a été utile, cette girafe, malgré elle, si je puis dire. Et je pense qu'elle a été importante parce qu'à la fois, elle a à la fois détourné l'attention des événements politiques, hein, c'était évident, mais en même temps, elle a fait cette transition. Hein, en 1830, c'est pas étonnant que l'histoire de la girafe disparaisse. La girafe est dans sa position actuelle une grande idée morale, un éloquent enseignement philosophique. Quel nom eut plus de retentissement? Quel animal eut jamais plus de popularité? Mais que dit Salomon? Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout ce que le sage, tout ce que les philosophes ont dit de plus fort sur le néant de la renommée, la girafe en est un éloquent résumé, une preuve vivante. Car aujourd'hui on la dédaigne, on l'oublie, elle n'est plus visitée que par le provincial arriéré, la bonne d'enfant désœuvré et le Jean-Jean simple et naïf. À cette leçon frappante, bien des hommes devraient s'instruire et prévoir le sort qui les attend. Ainsi, tel qui est aujourd'hui président du Conseil des ministres, lui aussi, depuis plusieurs mois, occupe tous les esprits. La girafe n'avait pas fourni plus de sujets de conversation, de déclamations éloquentes, de spirituels épigrammes. Encore quelques jours, et lui aussi sera oublié comme la girafe. Honoré de Balzac, La Silhouette, 30 juin 1830. Mais finalement, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 180 ans plus tard, on en parle encore? Et je pense que elle est très étonnante parce qu'on l'a étudiée jusqu'à la NASA, parce qu'on s'est rendu compte que elle devrait normalement avoir les chevilles qui gonflent, si vous voulez, par rapport à des niveaux de pression artérielle. Et elle a dans sa peau un système qui régule ça. On a étudié ça pour travailler sur les combinaisons de cosmonautes. Mmh. Et je trouve qu'elle a trouvé aujourd'hui une nouvelle modernité, un peu malheureusement, mais il y a quelque chose d'assez nauséabond qui nous vient des États-Unis qui s'appelle le néo-créationnisme. Et là, ça nous vient d'une sorte d'intégrisme catholique, appelons les choses comme elles sont, et qui revient à faire du révisionnisme scientifique, puisque cela consiste à dire qu'il n'y a jamais eu d'évolution des espèces et que tout s'est passé comme c'est écrit au pied de la lettre dans la Bible et la Genèse. Donc évidemment, c'est une hérésie à combattre. Et la girafe nous aide à contredire ceci. Et la girafe nous aide à parler de ça. Quand je fais mes conférences sur la girafe, eh ben j'enfourche ma girafe de bataille et je dis sus à ce néo-créationnisme. Il y a bien eu une évolution des espèces et la girafe, entre autres, est là pour le prouver. Et de façon magnifique, avec beaucoup de grâce et de charme. Avec Fabrice Bernard, responsable animalier au zoo de Vincennes, Michèle Dunant, conservatrice du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, Michel Madonna Desbazeilles, auteur de Son Altesse la girafe, paru aux éditions L'Harmattan en 1999, Olivier Lebleu, auteur des Avatars de Zarafa aux éditions Arléa, Marie-Claude Bomsel, vétérinaire et professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Texte lu par Jean-Jacques Levessier. Extrait du film de Pierre Thévenard, La girafe à Paris, avec l'aimable autorisation de l'ICS, Institut de cinématographie scientifique. Merci au superbe et joliment rénové Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, où est conservé Zarafa, ouvert tous les jours sauf le lundi. Merci à la ménagerie et à la bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle, ainsi qu'aux zoo de Vincennes. Prise de son, Pierre Debuiche, Adrien Gaza et Fabien Gosset. Mixage, Valérie Lavalard et Michel Mestre. Khartoum Paris avec la girafe. Doria Zénine, Olivier Chaumel. Les animaux racontés par Michel Pastoureau et la girafe de Charles X, des émissions à écouter et à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Lundi, le cours de l'histoire reprend son cours. Nous nous retrouvons à 9h05 sur France Culture. Lundi, c'est le futur et justement, comment nos ancêtres imaginaient leur propre futur.